Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans le dernier ders, on avait pris que les gens de la sunna mettent en garde contre le faux. Les gens de la sunna sont des gens qui font des répliques scientifiques et mettent en garde contre le faux les gens du faux. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى منهاج اهل السنه معصوم عن الخطا. Que la voie des gens de la sunna est infaillible. La voie, on précise bien, des gens de la sunna est infaillible et ne contient pas d'erreur. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce que cela veut dire, pour pas que cela soit mal compris par des gens. قال له ان معالم دعوات اهل السنه ان منهجهم معصوم عن الخطا لانه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. Donc parmi les signes distincts justement de la da'wah de la sunna, c'est que leur menhaj est infaillible face à l'erreur. Il n'est entaché d'aucune erreur, leur menhaj. Car ce menhaj, tout simplement, l'application du kitab, du livre d'Allah Azzawajal, et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où Allah dit, certes c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes protecteurs. Al-Hijr, verset 9. Wa qala ibn Kathir, fi tafsir hadhihi al-ayah, karrara ta'ala annahu huwa alladhi anzala alayhi dhikr, وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. Donc dans le tafsir de ce verset, il était dit que Allah a bien affirmé que c'est lui qui a fait descendre le livre, qui est le Coran, et c'est lui qui le protège de tout changement et de toute modification qui pourrait être tentée d'être faite par les gens, comme cela a été fait pour les livres précédents comme l'Injil, ce qu'on appelle l'Évangile, ou la Torah, qui ont été altérés par la main de l'homme. Le Coran, il est préservé. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Il a dit que ce livre n'est atteint nullement par le faux et qu'il est une révélation qui provient d'un sage et d'un loué. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد أي حكيم في أقواله وفعله وحميد بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه والجميع محمودة عواقبه وغايته. Il dit Ibn Kathir par rapport à ce verset qui est sourate de Fussilat, j'ai oublié de dire, sourate de Fussilat verset 42. Il dit que le faux ne peut atteindre ce livre, car ce livre est une révélation du Seigneur des mondes. C'est pour cela que, dans le sens, il dit révélation d'un sage et d'un loué. C'est-à-dire un sage dans ses paroles et dans ses actes, et loué du fait que tout ce qu'il ordonne est correct. Et tout ce qu'il interdit également est correct. Donc de là, si le ménage des gens de la sunna est basé sur le livre d'Allah Azzawajal, qui lui est infaillible, le ménage le sera également. Wa qala ta'ala, wa al-najm iza hawa. مَا ظَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc il dit, par l'étoile et son déclin, que votre partenaire, c'est-à-dire, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas dévié, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم بالغضب او في الغضب والرضا في الغضب والرضا فمسكته عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوأم بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق أو إلا حق. Donc ce sahabi qui est Abdullah ibn Amr a dit, j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم que je voulais mémoriser. Puis Quraysh m'interdire cela. Ils dirent, est-ce que tu écris tout ce que tu entends alors que Mohammed est un homme qui parle sous la colère et dans l'agrément, c'est-à-dire il dit des choses en fonction de ses sentiments, de ses émotions. Donc de là, Abdullah ibn Amr dit, donc je me suis arrêté d'écrire. Et j'ai cité cela au prophète Mohammed, ça je l'expliquais. Et il a dirigé ou indiqué sa bouche, avec son doigt il a indiqué sa bouche, vers sa bouche en disant, écris, car par celui dont mon âme est dans sa main, il ne sort de là que la vérité, c'est-à-dire de sa bouche. Ce que je dis n'est que la vérité. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il retransmet provenant de la révélation d'Allah azawajal, il ne peut se tromper. Il est infaillible. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى أما أفراد أهل السنة فليسوا معصومين فقد يقعون في الخطأ إلا وأنه ينبغي أن يعلم أن ما كان عندهم من الخطأ فهو عند غيرهم أكثر وأعظم وما كان عند غيرهم من خطأ فهو عندهم أقل وأخف وما كان عند غيرهم من خير إن صح التعبير بذلك فهو عند أهل السنة بالحق وأحسن تفسيرا. Donc il dit maintenant, il faut savoir une chose, ce sont que les individus, même les individus, des gens de la sunna, eux ne sont pas infaillibles. Le minhaj est infaillible, la voie elle l'est, mais les personnes en soi ne le sont pas elles-mêmes. Il se peut qu'ils tombent dans l'erreur. Mais il faut savoir une chose, que même si tu trouves des erreurs chez eux, d'accord, chez certains individus, alors sache que les erreurs chez les autres, parmi les groupes déviants, sont encore plus grandes. Encore plus grandes, encore pires. Et si jamais tu trouves du bien chez les autres, parmi les groupes déviants, il dit, si jamais on peut dire cela, si jamais il est permis de dire cela, qu'ils ont du bien, alors sache que, chez les gens de la sunna, il sera meilleur encore et encore mieux expliqué. Ce bien. Donc il n'y a pas un bien chez les groupes déviants sans que tu le trouves chez les gens de la sunna. Car ce ménage est infaillible et il est parfait. Donc maintenant, ne pas confondre entre la voie suivie et les suiveurs. Différence, nuance, comme ne pas confondre entre l'islam et le musulman. L'islam, c'est une religion, elle est parfaite. En effet, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que le musulman est parfait? Il ne l'est pas. Donc ne pas représenter le manhaj en indiquant les gens du doigt par leurs erreurs. En disant les salafis font ceci, ils font cela. On dit des salafis font ceci, ils font cela, mais le manhaj salafi est innocent de ce que ces gens-là font par rapport à leurs actes. Et c'est une erreur. Et le salafi sincère, lorsqu'il est conseillé, il revient de son erreur, alhamdoulilah, et ne suit pas ses passions. Et aussi un tambi à faire, par rapport à beaucoup de choses que l'on voit, c'est que des gens, malheureusement des petits jeunes, arrivent à, fadlaï ta'ala, à trouver la voie à suivre, qui est le manhaj salafi, et du fait qu'ils ont compris que cette voie, elle est parfaite, elle est la vérité, ils s'imaginent, eux, s'ils ont compris ce manhaj, qu'ils ont tout compris. Et quoi qu'ils disent, ils peuvent se permettre de le faire du fait qu'ils soient salafis. En disant, c'est une idée qui est fausse. Tu es salafi, alhamdoulilah ta'ala. Cela ne veut pas dire cependant que tu as tout compris. Et que tout ce que tu diras sera vrai. D'accord? Car l'ignorant reste l'ignorant. Le savant lui-même est amené à faire des erreurs. Alors que dire de celui qui n'est pas un savant? Donc, se dire salafi ne veut pas dire avoir tout compris et être en mesure de pouvoir tout dire et de pouvoir tout faire. Et il se peut même que parfois, une personne qui ne soit pas de la salafia ait raison sur un point. Donc ne le dis pas comme un tel, ce n'est pas un salafi, il a forcément tort dans ce qu'il va dire. Non, regarde, il se peut qu'il ait une preuve. Et s'il a une preuve, tu acceptes ce qu'il dit. Tu reconnais que lui, il est sur le faux, mais sa parole-là, sur ce point-là, elle est vraie. Non, parce que beaucoup, justement, ils se laissent à salafia par ce comportement-là. Orgueilleux. Si telle personne dit une chose qu'il n'est pas salafi, c'est qu'il a forcément tort. Dans l'absolu. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà le force que l'auteur a donné aujourd'hui. Walhamdulillah.